Mais je reprends le récit de mon épreuve. Ah, c'est bien vrai que je souhaitais à peine en être débarrassé, tant mon désir de sauver des âmes, par ce moyen, était grand. Chaque soir, j'allais pendant le silence m'agenouiller au pied du calvaire du préau, je me mettais sous la croix et je demandais à Jésus de faire couler sur moi son sang rédempteur, de m'inonder de cette divine rosée et de purifier toutes les âmes souillées. Il me semblait que j'étais le bouc émissaire chargé de tous les péchés des peuples. Ah, je les prenais de bon cœur, car je connaissais la fontaine où je pourrais m'en laver. Je restais là bien longtemps. Souvent aussi, ne pouvant pas prier, tant mon âme était à seconde ou abrutie par l'épreuve, je m'exerçais des actes de charité afin de prouver à Jésus mon amour, au moins par un moyen machinal. Je me tenais alors sur le bord du cloître et j'ouvrais et fermais la porte aux sœurs qui passaient chargées, ce qui arrive souvent aux infirmières pendant le silence. Je pensais alors à Saint Christophe au bord de son torrent et j'espérais bien, qu'à son exemple, je rencontrerais Jésus dans mon exercice de charité. Je le rencontrais en effet, car ces petites choses entretenaient en moi la force de souffrir. Pour m'aider à supporter mon épreuve, je me rappelais encore ma Thérèse chérie qui, elle aussi, avait souffert pour les âmes acceptant de s'asseoir à la table des pécheurs jusqu'au moment où Jésus lui ordonnerait de la quitter. Elle y goûtait des mets amères à cette table du scepticisme et du doute. Quant à moi, assistant à mon tour à un banquet d'iniquité, j'y mangeais les mets sucrés et tout à la fois venimeux de la volupté, demandant comme elle au Seigneur de jeter les yeux sur sa petite épouse qu'il aimait, à cause d'elle, de regarder favorablement les autres convives. Cependant, le démon furieux de constater qu'il ne gagnait rien à me garder en la compagnie de ses amis, forma un autre complot. Cela ne faisait pas son affaire de voir que malgré la tempête, ma barque ne sombrait pas et il voulait absolument la couler à fond. Il avait essayé toutes ses cordes par rapport aux dernières tentations, il allait prendre un autre arc. Depuis plus de 2 ans, il ne m'avait pas laissé un instant de relâcher, même la nuit, par des songes affreux. Il m'avait persécuté, il allait changer de tactique. Mais avant de mettre son diabolique projet à exécution, il tint à m'en prévenir. C'était dans la nuit du 24 au 25 avril 1901. Le soir, m'étant endormi comme de coutume, je me trouvais au milieu du plus profond sommeil, lorsque je m'éveillais tout à coup, mais d'une façon si nette que je crus l'heure arrivée de me lever. En attendant le signal du réveil, je voulus me reborder. Comme j'arrangeais les couvertures, je sentis une forte résistance et quelqu'un qui entrait dans le lit, puis une griffe s'enfonça dans mon pied, je voulus aussitôt le dégager de cette étreinte. Alors je sentis comme une patte de chien qui se posait dans ma main et quelqu'un qui se glissait du côté gauche dans la ruelle du lit. Sur ces entrefaites, la pendule du dortoir sonna minuit. Je comptais distinctement le 12 coups, mais je n'osais pas me lever pour baiser la terre et adorer le Verbe fait chair, comme c'est l'usage lorsqu'on se réveille à cette heure. Je m'efforçais cependant de faire cette prière quand même, mais une force inconnue m'en empêcha et il me fut impossible d'en prononcer les paroles. C'est alors que je sentis une griffe qui se posait sur mon épaule gauche et s'enfonçait cruellement, puis un museau tout près de ma joue, plusieurs bouffées d'haleine et la sensation de poils qui frôlaient ma figure. Le monstre balbutiait par instants des paroles inintelligibles. Je prêtai l'oreille, je n'entendis rien, je compris seulement qu'il faisait allusion à ce passage du Saint Évangile où il est appelé prince de ce monde. Mais élevant tout à coup la voix, il dit ces paroles, « Je monterai, je vaincrai, ce n'est pas vrai, mais criai-je, avec force, c'est Jésus qui vaincra pour moi. » Le démon me quitta aussitôt et libre de mes mouvements, je m'assis sur notre oreiller, je pris de l'eau bénite, je répétai les doux noms de Jésus et de Marie, je baisai notre crucifix. Il y avait à peu près une demi-heure que je priais avec ferveur, lorsque j'entendis tout près de moi comme le cri farouche et moqueur d'un oiseau de proie. Je n'y tenais plus et ne crus pas faire une faute contre la pauvreté en allumant notre petite lampe. Alors j'entendis à la porte, mais en dehors, un bruit semblable à celui qu'auraient fait des griffes. la raclant avec force. Et ce fut tout. Bien entendu, je ne dormis pas de la nuit, je priais tout le temps. La journée suivante, mon épaule me fit très mal, bien qu'aucune trace extérieure de blessure ne parût. Il y avait seulement 5 endroits sensibles comme des meurtrissures. Quel était donc ce défi que m'avait lancé Satan? Un mois après, toutes mes tentations s'évanouissaient pour ne plus reparaître, faisant place au calme, à la paix et à la liberté. De cette nouvelle épreuve, qui précéda mes travaux sur le Saint-Suaire, et qui ne dura que quelques mois, je ne vous parlerai pas, ma mère, vous les connaissez. Vous savez que c'est à elle que se rapportait la grâce, reçue au jour lointain de ma prise d'habit. Car, à l'une des phases les plus douloureuses, cette grâce me revint vive et pénétrante. Le psaume qui habita in adjutorio altissimi se déroula devant moi et chaque mot entrait dans mon cœur comme un baume, s'accentuant, s'interrompant comme si quelqu'un m'en avait expliqué le sens prophétique, révélé en ce jour. Lorsque cette douce instruction fut achevée, j'entendis intérieurement une voix qui me disait « Tu es bien heureuse, toi qui as cru, parce que tout ce qui t'a été dit par le Seigneur s'est accompli, Luc. » Souvent encore, me revenait à la mémoire l'image de Daniel au milieu des lions et cette parole de l'Écriture prononcée à son sujet, me semblait dite pour moi, et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait cru en son Dieu. Ah, je savais enfin la pensée de mon Père des cieux. Je n'en doutais plus et cette pensée cadrait parfaitement avec tout ce que j'avais espéré de sa bonté. Oui, Jésus a véritablement vaincu pour moi. C'est inutilement, dit-il, que Satan a voulu, jusqu'ici couler à fond ton embarcation, croyant par là t'éteindre. À mon tison, il baigne dans les eaux de mon amour, là, il, sic, n'est pas inflammable, et quand même les dernières épaves de la barque disparaîtraient, il serait là intact porté sur les flots, n'attendant plus que ma main divine pour le prendre et le soustraire à jamais au tyran. Ma mère, c'est cette dernière phase de mon existence que je vais vous raconter tout à l'heure. Pendant quelque temps Jésus avait semblé abandonner son tison, il avait paru le mépriser. Ce misérable bois lui avait cependant donné sa petite grappe d'amour, mais il avait faim de ne pas s'en souvenir. À quoi le bois de la vigne est-il bon? Disait-il. Il n'est utile à aucun ouvrage et on le met au feu pour le consumer. Ézéchiel 15. Il l'avait donc apparemment livré à l'incendie, mais son cœur veillait et il vint un moment où se penchant du haut des cieux, il le reprit avec tendresse et jura par lui-même, en disant, « Il a échappé au feu et le feu le consumera. » Ézéchiel 15, 7. Le feu de son amour prit donc en son tison un renouveau d'intensité, car le Seigneur, par un souffle de sa bouche, avait augmenté son ardeur. Mais là ne se borna pas ses divines miséricordes. Lui qui avait hautement déclaré qu'on ne pouvait tirer aucun usage de ce bois plus vil que tous les autres, résolut de s'en servir. C'était un caprice de sa toute-puissance, ayant décrété dans les siècles antiques à la fin des temps, lui, Jéhovah étendrait une seconde fois la main pour racheter le reste de son peuple avait promis comme signe de ralliement d'élever en ce jour. Là la racine de Jessé comme un étendard pour les nations, Isaïe 11, 10.11, mais il lui fallait un an pour élever cet étendard, et le Seigneur qui aime à se servir de ce qu'il y a de plus faible pour confondre les forts prit son tison pour cet usage. Ô mon Jésus, quand je considère jusqu'où va votre miséricorde, votre condescendance envers la plus chétive de toutes vos créatures, mon cœur se fond de reconnaissance. Et je m'écris avec Thérèse, l'amour m'a choisi moi faible et imparfaite créature. Ce choix n'est-il pas digne de l'amour? Oui, pour que l'amour soit pleinement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant et qu'il transforme en soi ce néant. Jésus s'était abaissé pour moi jusqu'au calvaire, jusqu'au tombeau, il reposait là défiguré dans un linceul et moi, associé à son immolation je l'avais suivi en ce lieu où enseveli, humilié aux yeux des créatures et aux miens. J'étais réellement conforme à mon bien-aimé. Aussi le moment était-il venu où il me donnait en partage son humanité saintement créant la petite apôtre. C'est au sortir même de l'épreuve dont je viens de parler, en 1902, qu'il me fut donné de reproduire la sainte face de Jésus. Les circonstances sont une page d'histoire qui allonge ce récit, mais dont je donnerai néanmoins les détails dans le but de vous obéir, ma mère, puisque vous m'avez dit d'écrire naturellement ce qui entrait dans mon sujet. Voici donc en quelles circonstances je fus amené à peindre la sainte face. Mon oncle s'intéressant beaucoup aux questions scientifiques, qu'il suit de près, se procura le livre de M. Vignon intitulé « Le linceul du Christ ». Lorsqu'il eut pris connaissance de cet ouvrage il nous le passa, mais on le regarda avec indifférence, notre mère, mère Agnès de Jésus, n'avait pas le temps d'étudier ce sujet, et les gravures, vues à la hâte, ne l'avaient pas séduite. Cependant je demandai le livre avant qu'on le renvoyât à son propriétaire. C'était au commencement du silence du soir, j'étais seul dans notre petite cellule. Je ne puis dire l'impression que je ressentis en contemplant les traits de mon Jésus. J'étais muette d'émotion, il me semblait que je le voyais en personne. Oui, c'était bien lui, je le reconnaissais, lui, Dieu, qui se dépeint ainsi dans la Sainte Écriture, miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la révolte et le péché, Exode 34, 7, lui qui, au soir de sa passion nous laissa pour héritage, sa paix après nous avoir donné le moyen de la garder, en nous disant, « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos de vos âmes. » C'était bien mon Jésus tel que mon cœur l'avait pressenti. Cette image n'était point inférieure à l'idéal que je m'étais fait des traits mortels de mon Dieu. Et, cherchant les traces de son amour pour nous, je suivis des blessures la sanglante empreinte. Alors ne pouvant plus contenir les sentiments de mon cœur, je couvris cette face adorable de mes baisers et l'arrosai de mes larmes. Et je pris la résolution de peindre une sainte face d'après cet idéal que j'avais entrevu. J'allai chez notre mère, qui, tout en trouvant merveilleuse la sainte empreinte, ne partagea pas mon enthousiasme. Je lui dis que je comprenais son impression, mais que, d'après cette ébauche, je ferais un vrai portrait de notre Seigneur très net. Elle me le permit. Ma cousine Marie devenue au Carmel Sœur Marie de l'Eucharistie, m'encouragea tout particulièrement dans cette entreprise, me confiant que la sainte face telle qu'on la représentait jusqu'alors, avait été pour elle le sujet de ses plus grands scrupules, parce que ses parents faisant leur prière devant une de ces images dites, d'après le voile de Véronique elle était obligée de les imiter, mais que, la trouvant si laide, elle s'empressait aussitôt qu'elle était seule de tourner le dos au tableau pour prier, ce qui lui causait ensuite d'affreux remords. Notre aumônier m'engagea aussi fortement à entreprendre ce travail. Il m'a dit avoir connu de pieux ecclésiastiques éloignés de la dévotion à la Sainte Face, à cause de l'imperfection de l'effigie présentée à la vénération des fidèles. Je cherchais donc à me procurer les documents nécessaires pour accomplir mon dessein et surtout de temps. Mais ce ne fut qu'en 1904 que je pus mettre ce projet à exécution. Pendant ces 2 années je recevais aussi un peu de partout, sans les avoir sollicités, des images du Saint-Suaire. À chaque fois il me semblait que c'était Jésus qui me rappelait la promesse que je lui avais faite. Je viens de vous parler, ma mère, de cette impossibilité matérielle qu'on nomme le défaut de temps, auquel il est difficile de suppléer. Ici, je vais faire une petite digression à mon sujet en revenant sur la question des emplois. Depuis mon entrée au Carmel, je restais 4 ans sans peindre, je ne touchais aux couleurs que pour les petites bêtises ou les miniatures dont je vous ai parlé. J'avais entendu dire que ce genre perdait la main pour le dessin dont les notions s'effaçaient faute de pratique. Moi qui n'étais déjà pas trop habile en cet art, je ne voulus pas perdre le peu que je possédais et j'agis comme ceux qui veulent faire fortune, je plaçai mon petit pécule à une banque sûre et extrêmement riche. Je me présentai devant la Sainte Vierge et je lui dis, « Ma mère chérie, vous savez bien que vous êtes la maîtresse de ma maison, tous mes intérêts sont entre vos mains, en voici un que je vous recommande spécialement. Je sais la peinture et le dessin, mais trop peu pour les laisser de côté sans les cultiver. Vous savez que je n'ai pas le temps d'étudier et je vous confie donc mon petit avoir que j'irai chercher quand j'en aurai besoin. Comme vous êtes si puissante, je pense bien que vous aurez fait fructifier mes petits trésors et qu'ils iront toujours en faisant la boule bien mieux que, si, employant les moyens humains, j'avais étudié dans les cours de la terre. Après cette prière, je vécus tranquille sous ce rapport. Aussi, lorsque 4 ans plus tard, l'obéissance me commanda de grands tableaux pour le cœur, une apothéose de 5 mètres de haut, je me mis à l'ouvrage comme si je n'avais fait que cela toute ma vie, avec une facilité, une aisance qui m'étonnèrent. Si j'avais quelques difficultés, je portais le soir toile et pinceau devant la statue miraculeuse de Marie et je lui demandais de travailler à ma place. Elle savait surtout mon désir de faire du bien et de parler au cœur par mes tableaux et ne me refusa pas ce don. Ces travaux qui m'étaient demandés pour la communauté ne se faisaient cependant pas sans peine. Le bon Dieu a toujours voulu que dans ma vie rien n'aille comme sur des roulettes, mais que tout soit arraché par un travail opiniâtre et des traverses de toutes sortes. Comme en ces circonstances mes mères prieures étaient forcées de me donner du temps sur les emplois, les pauvres sœurs n'étaient pas très satisfaites, elles disaient avec raison. À quoi bon se donner tant de mal pour 40 sous? On se procure une grande image et pour 2 sous une petite représentant tous les sujets désirables. Elle ne comprenait pas qu'on se mit à composer de nouveaux modèles. Cependant Monseigneur Ahmed ayant vu quelques-unes de mes toiles dit à notre mère qu'il fallait me faire cultiver mon talent, et que, dès l'instant que je ne me dispenserais pas des travaux communs, les sœurs n'auraient pas à se plaindre. Mais je ne m'en dispensais jamais, aussi ce conseil n'apportant pas de soulagement aux sœurs, ne m'apporta pas non plus beaucoup de latitude. On avait toujours à dire que Sainte Thérèse avait recommandé que, dans ces monastères, on ne fasse que des ouvrages simples comme filer la laine ou travailler à la terre parce que nous étions des pauvres. En conséquence, je n'eus jamais d'atelier. Quand il y avait une cellule vide, j'y déposais mes chevalets. Sinon mon emploi était au grenier, et je descendais les matériaux nécessaires à chaque fois pour travailler dans notre petite cellule où je n'avais pas, même avec ces précautions, la place de me tourner. Pour l'éclairage on n'y pensait pas, il fallait se garantir du soleil dans cette coque de noix, et y cacher grande et petite toile pour ne pas attirer l'attention et pédaler vite. C'est ce que je faisais de mon mieux, car par bonheur je n'étais pas lente à l'ouvrage, mais que de fois en montant l'escalier du dortoir, et lisant cette sentence écrite sur le mur, « Aujourd'hui un peu de travail, demain le repos éternel », je disais, « Mensonge, aujourd'hui beaucoup de travail et dans bien longtemps hélas le repos éternel. Vous comprenez, ma mère, que dans de telles conditions ma peinture m'ait toujours été une grande épreuve, jamais je n'y ai trouvé de plaisir, mais surcroît d'occupation. Le bon Dieu le voulait ainsi, car j'ai remarqué que sur la terre rien ne va mieux que lorsque tout va de travers. Nous voudrions avoir nos petites dispositions, prendre nos aplombs, que notre vie soit réglée comme papier à musique et le bon Dieu se plaît à nous voir lancés dans toutes sortes de difficultés pour avoir ensuite le plaisir de nous en retirer. C'est ce qu'il fit à mon égard en cette circonstance puisque tous mes efforts ont été couronnés par la Sainte Face. Il m'arriva aussi des grâces qui tiennent presque du prodige. C'était à propos des portraits de Thérèse devant illustrer l'histoire d'une AME. Pour cela jamais je ne pris une seule minute sur le temps des emplois, je les faisais tous pendant mes silences de midi en été dont le temps est libre et le soir à la lumière. Parfois, lorsque la chaleur était excessive, j'avais un grand besoin de faire quelques minutes de sieste puisque c'est permis. Alors je me couchais par terre sur le plancher devant mes dessins, comme un pauvre chien au pied de son maître, puis après avoir sommeillé 5 minutes je reprenais mon dur labeur, car il n'y avait pas de temps à perdre. Malgré que la Sainte Vierge me rendit mon talent au centuple, j'avais souvent bien des insuccès et je ne réussissais qu'au prix de peines inouïes. Un jour que je faisais le portrait de Thérèse et son père et qu'il était complètement manqué, notre mère, Mère Marie de Gonzague, me dit qu'il fallait le finir le soir même et, dans ce but, elle m'envoya le travailler pendant la récréation du soir. Mes peines perdues. Si Thérèse était bien, papa n'était pas du tout ressemblant et il n'y avait plus d'espoir, le papier usé était devenu intravaillable et je ne faisais que m'encrouter de plus en plus. Découragée, j'allais trouver notre mère qui fit signe à mes deux sœurs de monter afin de m'aider de leurs conseils. Elle espérait sans doute qu'étant fatiguée je n'étais plus bon juge et qu'elle trouverait bien ce que je jugeais être si mal. Mais hélas elles furent encore plus sévères que moi. Néanmoins elles me firent essayer quelques retouches qui aboutirent à le manquer tout à fait. Que faire? Notre mère avait dit qu'on allait le laisser et qu'elle défendait d'y retoucher, qu'on ne s'en servirait pas et que ce serait réglé. S.R. Marie du Sacré-Cœur, dans un élan de foi, quitta la cellule et se prosterna au pied de la statue de Marie dans l'oratoire à côté. Nous la suivîmes bientôt Mère Agnès de Jésus et moi. Lorsque nous rentrâmes toutes les trois nous nous plaçâmes en face. Aux surprises tout à coup nous voyons le portrait qui change de lui-même progressivement. C'était comme une personne qui se serait mise par derrière et qu'on aurait vu à travers le papier. Je ne puis définir cela, c'était extraordinaire. Nous nous regardions sans mot dire toutes saisies d'un sentiment surnaturel. Sur ces entrefaites complissonnes, nous descendons bien émus annonçant à notre mère que le portrait était parfait et de quelle façon la ressemblance était arrivée. Ce tableau est le premier grand dessin que je fis depuis mon entrée au Carmel, c'était donc la première fois que j'expérimentais la protection de la Sainte Vierge. Elle dut sûrement envoyer Thérèse et papa mettre la main à ce portrait que le démon ne voulait pas. À qui dira les embûches qu'il nous a suscitées dans nos premiers essais pour éditer l'histoire d'une AME. Mais je reviens à mon histoire de la Sainte Face. Je disais tout à l'heure que le démon nous avait suscité quantité d'embûches lorsqu'il s'agit d'éditer l'histoire d'une AME. Un jour qu'elles étaient arrivées à leur paroxysme et que tout semblait perdu, Mère Agnès de Jésus accablée de peine se mit à fondre en larmes. La nuit venue elle eut un songe. Elle se trouvait seule avec moi dans le préau, nous contemplions l'immensité du ciel qu'aucun nuage ne venait assombrir. L'horizon était rougeâtre comme une aurore boréale tandis qu'au milieu du firmament planait un soleil radieux. Ce soleil était la Sainte Face. Soudain une voix mélodieuse se fit entendre, elle disait « Patience ». Depuis, quelques années se sont écoulées et la petite étoile est sortie de sa petite nuit annonçant le divin soleil de justice. Déjà elle apparut et il monte majestueux à l'horizon et plus il monte plus sa petite étoile se fait brillante et pure. Il est en effet à remarquer que ce fut aussitôt après la mort de notre petite sainte qu'un comité de savants s'occupa de faire figurer le Saint-Sphère dans une exposition de l'art sacré à Turin. Depuis 30 ans personne ne l'avait vu, mais notre Thérèse du haut du ciel avait découvert ce trésor. Elle se souvint que, pendant sa vie mortelle, elle avait recherché et aimé par-dessus tout la face de son bien-aimé, que ses petites sœurs encore exilées, soupiraient après la patrie pour voir son visage divin et elle ne voulut pas que son vrai portrait demeurât plus longtemps caché à la terre puisqu'elle avait le privilège de le posséder. C'était la petite étoile qui déchirait le nuage cachant le divin soleil. Et le soleil s'est levé rendant à sa petite étoile la gloire qu'elle lui avait procurée. Car c'est au moment même où paraissaient les premières images de la Sainte Face qu'il était question de commencer un procès pour mettre notre chère petite Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face sur les autels. Le temps de prendre patience n'avait pas été long. Puisque Thérèse s'occupait ainsi de sortir de l'ombre le portrait de son Jésus, il fallait bien qu'elle choisisse quelqu'un pour faire valoir ce trésor, ce fut sa Céline qu'elle prit comme artisan. C'était tout naturel, on aime mieux souvent avoir affaire à de simples ouvriers qu'on peut guider selon son goût, que de s'adresser à des maîtres dont on est obligé de prendre les œuvres sans oser critiquer. Et quelle garantie pour les âmes, qui devaient plus tard jouir de ce portrait, de savoir que la main de l'ouvrier n'a été qu'une machine et que tout le mérite de l'initiative et de la réussite sont dus aux élus du ciel, anges et bienheureux. Comme je l'ai dit, 2 ans s'étaient écoulés depuis la promesse que j'avais faite à Jésus de reproduire son portrait. J'étais en possession de documents précieux, en particulier d'une photo colossale représentant le Saint-Suaire, que mon oncle m'avait fait venir de Turin. Cette photo portait tous les cachets et sceaux d'authenticité, elle était d'une réussite parfaite. Il ne restait plus qu'à me mettre à l'œuvre. Au commencement du carême 1904, Jésus me rappelait ma promesse, me donnant en même temps le gage de la réussite. Comme on tirait, en communauté, des billets pour se préparer à bien passer ce temps de pénitence, celui-ci m'échut en partage. Ma fille, je me laisse à vous dans le mystère de ma sépulture. Depuis ce moment, je ne doutais plus du succès puisque notre Seigneur lui-même se donnait à moi dans l'objet même qui devait me servir de modèle. Enfin, je commençais ce travail à Pâques. Comme je n'avais pas de temps à prendre sur mon emploi, je résolus d'y consacrer tout mon temps libre, les dimanches et jours de fête. Ce travail peut donc s'appeler justement travail du dimanche. Je l'offris en réparation de tous les ouvrages défendus qui profanent le saint jour du Seigneur. Ce ne fut qu'au prix de bien des sacrifices que j'achevai cette œuvre. Lorsque les jours de fête je voyais les sœurs se promener au beau soleil dans le jardin et que moi, je restais là enfermé sans aucune minute de repos, il me fallait rassembler tout mon courage pour continuer sans relâche ce que j'avais entrepris. La première reproduction que je fis de la Sainte Face fut un dessin au charbon. Comme une fois achevé, on le trouva très beau et que plusieurs personnes nous pressèrent de le faire éditer, nous fîmes plusieurs démarches chez divers éditeurs, mais elles restèrent infructueuses. Ils nous disaient tout, que le sujet Sainte Face ne se vendait pas. Ces négociations durèrent environ 1 an, après lequel on voulut bien éditer notre tableau, en nous conseillant de le refaire en peinture pour que les reproductions soient plus fines. Je n'hésitais pas un instant, voyant que, par ce moyen, je pouvais procurer la gloire du bon Dieu, car à l'exemple de ma Thérèse je puis dire que mes désirs de le faire aimer ont été bien grands. À Pâques de l'année 1905, je commençais mon travail. Le connaissant mieux, j'interprétais le modèle plus fidèlement encore que la première fois. Je me procurais des documents nouveaux, entre autres une reproduction du Saint-Suaire, la tête du Christ grandeur nature. Je pus ainsi travailler la Sainte Face de loin pour l'ensemble et de près avec une loupe pour les détails. Je peignis mon petit tableau debout. Et, lorsque ma fatigue était plus grande que de coutume, je pensais à la Sainte Vierge debout au pied de la croix, ce qui me donnait des forces. Je mis plusieurs mois à ce travail et le fis dans les mêmes conditions que le précédent, c'est-à-dire le dimanche. Cependant, mes moyens de succès ne se bornèrent pas aux précautions humaines, ce qui n'aurait donné qu'un corps sans vie, car alors même que j'aurais réussi la plus belle œuvre picturale qui soit au monde si le don du Saint-Esprit avait fait défaut, tout était manqué, par là même. Je fis donc absolument tout ce qui était en moi pour me l'assurer. Je demandai avec instance les prières des sœurs. Je fis l'impossible pour les intéresser à mon projet, elles me le promirent, mais je voyais bien que c'était uniquement pour m'être agréable, car elles ne comprenaient pas que je trouve si belles les images si brouillées du Saint-Suaire qui ne leur disaient rien du tout. Mais plus je voyais peu d'enthousiasme autour de moi, plus je sentais mon ardeur grandir et je disais, c'est justement parce que ces images sont défectueuses que je veux rendre le portrait de Jésus aussi beau qu'il le mérite. J'ai entrevu la ressemblance de mon Jésus, je ferai son portrait, dussé je y passer ma vie et la mort me surprendra le pinceau à la main. Devant cette résolution arrêtée, elles me donnèrent toute leur adhésion. J'eus des prières, des communions, des services me furent rendus. Allez prendre le petit pinceau, me disait-on, moi je prends le gros et les sœurs pour avoir part aussi à mon travail. prenait à ma place balai ou lavait ta vaisselle lorsque c'était mon tour. Quant à moi, je disais dans mon cœur, Seigneur, fortifiez-moi, et jetez en ce moment un regard favorable sur l'œuvre de mes mains, afin que j'achève ce que j'ai cru possible par votre assistance. Judith 13, 7. Je me recommandais de nouveau à ma mère du ciel, j'allais m'agenouiller devant la statue si chère à notre famille et déposer mes pinceaux dans ses mains. Chaque fois je lui apportais ma petite toile que je plaçais à ses pieds lui demandant d'y travailler à son tour, ou que je l'ai prié avec ferveur. Je confiais aussi mon ouvrage à Saint Joseph, à ma famille du ciel. J'appelais à mon aide la milice céleste tout entière, les anges et les saints. Je leur représentais notre douleur à nous, pauvres exilés de la terre, de ne pouvoir porter nos regards sur notre divin Sauveur. Il me semble que je dus leur faire pitié. Après avoir essayé de les convaincre de la légitimité de mes demandes, je les pris tous par le cœur, je les suppliai puisqu'ils voyaient Jésus dans sa gloire, de nous le montrer dans ses humiliations et ses douleurs. Je disais, vous voyez que je ne demande pas beaucoup puisque je ne désire même pas son portrait tel qu'il était pendant sa vie mortelle, je ne vous le demande que blessé pendant sa passion. Ah, c'est pourtant une vision qui convient bien à la terre. Et j'allais de l'un à l'autre, je priais les apôtres, sainte Madeleine, sainte Véronique qu'il avait connue ici-bas. Enfin, je tourmentais le ciel de mes supplications. Je crois qu'il durent en avoir assez de moi et m'exaucer sinon pour me faire plaisir, au moins pour avoir la paix. Je leur disais encore que toute la gloire leur reviendrait, puisque cette entreprise serait la leur et qu'à tout jamais cette grâce serait considérée comme un don du ciel à la terre. J'allais aussi trouver les petits saints, les tout petits saints. Ceux qui ne s'étant convertis qu'au moment de la mort n'avaient pas eu le temps de travailler pour la gloire du bon Dieu et leur faisant remarquer que c'était là une belle occasion de suppléer aux insuffisances de leurs œuvres. Je leur faisais valoir combien un portrait ressemblant de notre chef adoré électriserait les masses, soulèverait les peuples devenant un puissant moyen de ralliement sous l'étendard divin. Mais je n'en finirais pas si je voulais écrire tout ce que leur ai dit. Et cependant, là ne se bornaient pas mes prières. Je conjurais le bon Dieu, le Père qui est dans les cieux, mon Père à moi, de venir peindre lui-même le portrait de son Fils Jésus, et à l'Esprit d'amour d'y souffler la vie afin que ce ne soit point un portrait ordinaire. Chaque matin pendant la Sainte Messe à l'élévation de l'hostie, je rappelais à Jésus la promesse qu'il nous a faite, d'obtenir tout ce que nous demanderions en son nom et je ferai au Père la divine victime comme prix de ma demande. Ainsi le paiement n'était pas inférieur à l'objet convoité. Plusieurs fois même lorsque le Saint-Sacrement était exposé à l'oratoire et que je me trouvais seul, j'apportais ma petite toile et la mettant bien devant l'hostie, le plus près possible je suppliais Jésus d'y imprimer sa ressemblance parfaite. Je disais, « Ô mon Jésus, vous montrerez-vous moins puissant que les hommes, ils ont inventé la photo, nous n'avons qu'à poser un objet devant une plaque sensible et aussitôt cet objet s'imprime sur la plaque avec une exactitude surprenante et moi j'exposerai ma toile au rayon d'amour de l'hostie vivante, qui est votre corps sacré, et je le retirerai sans empreinte. Oh, cela ne se peut pas, mais je m'arrête. » Car ces citations seraient trop longues et quand même j'essaierai de tout dire, jamais je ne pourrai exprimer, dans le langage de la terre, la foi et l'amour qui ont reproduit sur ma petite toile la sainte face de Jésus. J'y étais intimement persuadé que je serais exaucé, car les grâces ne me manquaient pas. Plusieurs fois, pendant le cours de mon travail, il m'arriva de voir devant moi le visage de Jésus souffrant, ce n'était point des yeux du corps, mais cette vision était extraordinairement nette et saisissante. Je regardais alors Jésus pour le graver dans mon esprit, c'était mon modèle qui posait devant moi. Oh, cette sainte face je ne l'oublierai jamais. Ces traits, cette expression, cette majesté divine, ce calme, cette sérénité, cette douceur incomparable je voulais la reproduire à tout prix, et je regardais avide de ne laisser échapper aucun détail. Cette vision durait quelques secondes, une longue minute environ. J'ai parlé de cette faveur au père Oriot, lui demandant ce que cela pouvait bien signifier, puisque Saint Thérèse dit quelque part que lorsque notre Seigneur se présente à l'âme, on est tellement ravi par sa beauté qu'il serait impossible d'étudier ses traits, tandis que moi j'oubliais la beauté pour me pénétrer de la forme. Il m'a répondu que cette grâce que j'avais reçue était appropriée au but que notre Seigneur se proposait. Cette face de Jésus que je voyais était celle du Saint-Sphère vivante. Après l'avoir regardé attentivement, je comparais les détails brouillés que donne le Saint-Sphère et qui auraient pu m'échapper. Alors ce fut avec grande fidélité que j'en copiais les moindres particularités. Chaque goutte de sang tenait la même place, avait la même forme sur ma toile que sur le modèle. Aussitôt que, même sans le vouloir, je changeais la moindre chose, ce n'était plus lui. Ayant trouvé entre autres la barbe trop claire, je voulus la peindre d'un ton plus foncé, mais je fus obligé de revenir et copier exactement. J'essayai aussi de ne la séparer qu'en deux, au milieu du menton, vain effort. Je remarquai encore que plusieurs détails qui, aujourd'hui, font l'admiration des connaisseurs, se sont faits d'eux-mêmes. Ainsi, il est un certain petit clerc qui dirige le regard sur la paupière demi-baissée de l'œil gauche, je l'avais remarqué sur le suaire, mais ce n'est pas moi seul qui l'ai rendu sur ma toile. Il s'est passé quelque chose que je n'ai pu m'expliquer. Cependant, après bien des mois, ce travail fut enfin terminé, je le portai à la Sainte Vierge pour lui en donner les prémices. J'étais là devant la statue de Marie, le cœur rempli de joie, mais un peu anxieux. Je m'étais tourné vers toute l'assemblée des élus leur demandant s'ils le reconnaissaient. Instinctivement j'ouvris au hasard le Saint-Évangile et je lus ces paroles, « Tous ceux qui étaient là et qui virent ce qui se passait dirent, « Celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. » Le portrait une fois réussi, je m'occupai de faire éditer des images. Presque une année se passa encore en pourparlers, en ennuis de toutes sortes. Il semblait que le démon, jaloux du bien que devait opérer dans le monde cette sainte image, me causait mille difficultés et tracasseries. Déjà lorsque je venais d'achever ma première sainte face en 1904, bien que peinte en 1905, je datais aussi la seconde de 1904 parce que cette dernière n'était pas en soi une œuvre nouvelle, mais la reprise de l'œuvre faite en 1904. J'avais entendu des bruits étranges. C'était dans la nuit du 27 juin, ma sainte face venait d'être terminée, aussi l'appel aux petites âmes, publication dont je m'étais occupé. Vers 11h du soir j'entendis tout un bouleversement dans l'oratoire de la Sainte Vierge qui n'est séparée de notre cellule que par une cloison de bois. Il me semblait qu'une personne maladroite s'y était introduite et brisait tous les objets. Il y avait quelques minutes de calme puis le tapage recommençait. Des bruits étranges avaient lieu aussi dans notre cellule, comme le pétillement d'un violent incendie, surtout à l'endroit où je posais ma tête. L'oreiller semblait formé de bois secondes enflammés qui crépitaient à outrance. Je n'osais pas bouger, même respirer, car aussitôt que je faisais le plus léger mouvement, quelque imperceptible soit-il, tout recommençait de plus belle, aussi bien dans la cellule qu'à côté, comme si ce fût moi qui donnais le signal au mystérieux personnage. Aussi, je n'osais pas me lever, ni allumer notre lampe, encore moins passer par l'oratoire pour aller chercher du secours. Les bruits se continuèrent avec intermittence de calme jusqu'à 2h du matin. Enfin à cette heure-là il y eut un tel bacchanal dans l'oratoire que la maison me parut en trembler et je crus que tout le monde allait s'éveiller. Puis je n'entendis plus rien. Le matin je m'attendais à trouver la statue brisée et tout sens dessus-dessous, mais rien n'avait changé de place. J'allais raconter ces faits à notre mère, et comme je sortais, une autre sœur très digne de foi, entrait à son tour et faisait exactement le même rapport. Elle avait entendu le bouleversement de l'oratoire et l'incendie et elle indiqua les mêmes heures que moi. Personne autre que nous deux n'avait entendu, ni la sœur dont la cellule est voisine de la mienne, ni les infirmes et infirmières qui couchent en bas et nous assurèrent que la nuit avait été très calme. Quoi qu'il en soit, je ne crois pas que le démon soit content de nous. Il met son plaisir à nous effrayer en nous montrant sa rage. Mais à présent tout est passé. La sainte face de Jésus a reçu les baisers de son vicaire qui a ouvert pour elle le trésor des indulgences. Jésus a envoyé à sa petite épouse par la main du chef de l'église une médaille précieuse, récompense à ses yeux la plus appréciable de toutes celles qu'on peut recevoir sur la terre. Et bien plus encore, ses vœux d'apostolat ont été comblés, puisque c'est chaque jour que nous recevons des témoignages de reconnaissance pour cette image qui, dit-on, opère des transformations dans les âmes. Je sais que bien des prêtres entretiennent nuit et jour des lampes devant cette pieuse effigie. On lui attribue des conversions. De savants religieux la prennent pour thème de leur oraison et dernièrement l'un d'eux, le père Oriot, me disait, cette image n'est pas ordinaire, en la regardant on n'a pas la sensation de voir une gravure quelconque. On se croit en présence d'une personne vivante. Quand il me dit cela, il ne connaissait point encore son histoire. Il ne savait pas quelle était l'œuvre de toute la cour céleste et que l'esprit d'amour était venu l'animer de son souffle divin. Aussi cette appréciation qui répondait si pleinement à mes prières, me montrant qu'elle avait été exaucée, m'a été spécialement précieuse. Maintenant ma mère, que vous dirai-je encore? L'histoire du tison arraché du feu a été beaucoup plus longue que je ne le pensais, je ne croyais pas remplir seulement mon premier cahier, aussi est-ce honteusement que je reprenais des pages nouvelles. Pardonnez-moi toutes ces longueurs, une chose en amène une autre, on se trouve ainsi entraîné dans des détails comme malgré soi, et lorsqu'on n'est pas plus pondéré que moi on ne sait où s'arrêter. Oh, cependant après avoir tracé toutes ces pages, comme Thérèse il me semble n'avoir pas encore commencé, il y a tant de nuances diverses, tant d'aperçus nouveaux que seule la palette du peintre céleste pourra révéler les merveilles de grâce qu'il a opérées dans mon âme. À lui je dois tout, et ma vie peut se résumer dans cette parole du roi prophète. Le Seigneur a désaltéré l'âme dévorée par la soif et il a comblé de bien l'âme épuisée par la faim. Psaume 107.7. Je disais à l'instant que je ne savais pas où m'arrêter. Pour les choses de la terre c'est vrai, mais pour les choses du ciel oh, j'ai bien su où m'arrêter. J'ai dressé ma tente auprès de la source vive, à la porte même où la toute-puissance divine cache ses trésors. J'ai désiré pour moi que la miséricorde infinie m'environnât de son ombre et elle m'a complètement couverte de ses ailes et sous ses plumes j'ai trouvé un refuge. Psaume 91.4. Ah, j'ai entendu dire bien des fois qu'il était expédié de s'exercer à ne pas juger pour avoir part à la promesse du Maître et ne pas être jugé à son tour. Oh mon Dieu, si je m'exerce à la charité vous savez que ce n'est point dans ce but. Car vous n'ignorez pas que le plus doux espoir qui fait palpiter mon cœur est celui de faire connaître au grand jour vos bontés pour moi. Et comment serait-elle dévoilée si toutes mes misères et toutes mes fautes ne sont découvertes? Ô mon trésor adoré, oui, on connaîtra vos largesses à mon égard et si vous ne parlez pas, moi j'ouvrirai la bouche pour m'accuser, afin que vous soyez glorifié en moi. J'ai désiré pour moi encore, que l'Esprit de vérité, l'Esprit de Jésus, Acte 13:7, réside dans mon cœur, qu'il pénètre toutes mes facultés, je disais sans cesse à Dieu, apprends-moi à faire ta volonté, Psaume 149.10. Et le Seigneur m'a ouverte large et spacieuse la voie de la paix, il m'a instruite à chaque instant du jour, me faisant expérimenter que la sagesse est avec les humbles, Proverbe 11:2. J'ai désiré pour les autres racheter mes frères de l'éternel supplice et Jésus m'a mis dans la main la pièce précieuse de son humanité sainte qu'est sa face adorable. Il m'a donné la souffrance m'accordant d'être moi-même anathème, loin du Christ, pour les âmes, Romains 9:3. C'est une grande douleur de se croire loin de Jésus par les épreuves cuisantes de l'esprit et du cœur. Mais c'est vraiment là le sacrifice le plus méritoire qu'on puisse offrir à Dieu. Le don de la sainte face que m'a fait Jésus est bien grand sans doute et je l'apprécie, mais j'apprécie davantage encore la croix et la part qu'il m'a donnée à son immolation. je ne me méprends pas sur le bien que peuvent faire les écrits ou les images, bien toujours restreint, limité à des conditions physiques. Aussi je n'ai attaché mes désirs qu'au bien illimité du sacrifice qui fait pleuvoir la grâce sur les âmes, sur toutes les âmes sans distinction de lieu, d'origine, de langage, qui atteint jusqu'aux extrémités de la terre. Passant d'un pôle à un autre avec la promptitude de la pensée, j'ai désiré pour Dieu le faire aimer, procurer sa gloire. Ah, avec quelle véhémence j'ai été dévoré de ce désir! J'aurais voulu l'annoncer, le prêcher à toutes les nations. Au lieu de cela, il m'a donné en partage une vie obscure entre les obscurs. Mon désir de déverser dans le cœur des autres les flammes qui consumaient le mien n'a jamais été assouvi. Jamais la divine providence ne m'a confié le ministère des âmes. Avec regret je n'ai point pénétré dans ce sanctuaire. Mais je ne me suis pas désolé. J'ai dit, « Mon Dieu, vous voyez que mon cœur, comme une machine à vapeur débordante d'énergie, n'aspirait qu'à vous conduire des âmes. Avec quelle vitesse elle s'élancerait vers vous entraînant après elle ses trésors. Mais elle est seule. Ô Jésus, ce n'est pas ma faute. Vous le savez, comme Anne, mère de Samuel, je vous ai demandé des fils et, si je reste dans ma stérilité apparente, ne me refusez pas la part de l'épouse féconde, n'êtes-vous pas pour moi plus que 10 000 fils? Toutes mes richesses seront pour vous. Je lancerai sans cesse ma vapeur vers le ciel, elle y montera ardente et embrasée pour vous redire mon amour, et j'en ai l'espoir. Un jour viendra où cette force trop longtemps comprimée fera éclater la machine et jettera ses morceaux aux quatre coins du monde. Alors comme ma Thérèse je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Que m'importe que le monde l'ignore, que les âmes qui me devront leur salut ne me reconnaissent pas pour leur mère. Pourvu que le bon Dieu soit aimé je ne désire autre chose. Je voudrais être une marche à son trône. Une pierre de fondation qui soutient et élève de sa taille tout l'édifice. Je serai dans la boue, loin du regard de tous, mais cette place serait mon bonheur. Car bien que je ne sois pas digne de servir d'ornement dans le temple saint, j'espère que le bon Dieu permettra quand même que je le fasse valoir, lui, le bien-aimé. Ah, que j'ai le désir de le glorifier, de l'élever, voyant ce qu'il a fait ici-bas. Quand il y est venu, j'ai peur parfois qu'il ne soit pas assez jaloux de sa gloire au ciel, j'ai peur qu'il ne soit pas exalté comme je le veux. Ô mon Dieu, pourquoi donc ne régnez-vous pas déjà sur la terre? Pourquoi y a-t-il tant de cœurs qui vivent loin de vous? Ah, puisque je ne peux vous faire connaître et aimer au gré de mes désirs, je ne veux plus avoir qu'une ambition, vous faire régner dans mon cœur à moi. Je veux que tout ce petit royaume vous soit soumis et je ne vais plus travailler qu'à vous le conquérir tout entier. Je sais que pour en arriver là il me faudra surtout une grâce puissante de tous les instants, car lorsque l'insurrection n'est pas d'un côté, elle est d'un autre, des pirates tiennent la haute mer. Des voleurs sont dans les forêts et des bêtes féroces dans les déserts, mais votre bras vainqueur en viendra à bout pour moi. Ainsi vous serez glorifié à mon idée, vous régnerez à mon idée quelque part, ce sera dans mon cœur. Et lorsqu'il vous plaira, ô mon Jésus, de prendre enfin possession de votre conquête, vous fondrez sur moi, comme l'aigle m'emportant dans les brûlantes demeures de l'amour infini vous m'en ferez devenir comme Thérèse l'heureuse victime. Ô mon Jésus, mais avant de chanter au ciel vos ineffables miséricordes, laissez-moi entonner dès ce monde l'hymne de la reconnaissance et vous rendre ici un juste témoignage. Sur la terre, tout le monde cherche le bonheur, les uns par les plaisirs, d'autres par les richesses, les honneurs, la science, les arts. Nous sommes créés pour la joie et nous tendons vers elle de toute la force d'une attraction illimitée. Mais que peu nombreux sont les privilégiés qui le trouvent et le goûtent. Moi aussi je suis allé vers le bonheur et je l'ai rencontré. Ah, que ne puis-je enseigner aux âmes où je l'ai trouvé, que ne puis-je leur dévoiler la joie que j'ai goûtée au service du Seigneur. J'ai eu dans ma vie des peines cuisantes, des traverses pénibles, mais toujours la goutte de sang s'est changée en lait, toujours si Jésus a été le maître j'ai été la maîtresse. Pourquoi cela, ô mon bien-aimé? Quel est donc le secret de ce bonheur? Ah, je le sais, j'ai toujours recherché votre face, j'ai aimé votre humanité sainte, je l'ai prise pour mon héritage et il m'est arrivé ce qu'il advint aux apôtres un jour de tempête. Ils voulurent, dit saint Jean, prendre Jésus dans leur barque et aussitôt la barque se trouva au lieu où ils allaient. Jean 6, 21. Fin du récit de 1909. Marc M. Dan d'après, Archive Carmel Lisieux.fr. Licence Creative Commons. Pas d'usage commercial.